rap, planète rap. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. J'veux du Mender, que du Mender, que du Mender, que du Mender. J'fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. J'ai envie de m'enfumer, faut du Mender. Si t'as les poches vides, il faut des bangers. J'passe à la cité, récupère des bangers. Le Mender c'est jaune comme l'équipe des Lakers. C'est la Rapta 2500 bangers, celle qui avoisine les 1 kilo de Menders. C'est la Rapta 2500 bangers, celle qui avoisine les 1 kilo de Menders. Midi, midi, Menders. Que des blancs phares pour des Menders. La moula c'est du Menders. Menders, Menders, Menders. Salvateur de Bahia, Jada, Yaya, calibré comme la Mara, Rapta, Yaya, Menders, Menders, Benga. Toute ma vie c'est le carnage, j'arrive dans le club en Dolce Gabbana. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulaga. Matt les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.